Tous les jours, des gens naissent et disparaissent dans le plus grand anonymat. Mais la proximité d'une perte rappelle dans un grand fracas que tout n'est qu'aléatoire et que personne n'est à l'abri de cette souffrance. Pourtant, c'est cette temporalité inconnue qui nous définit tous et qui fait de nous des révolutionnaires, des ambitieux, des créatifs, des humains. Cette conscience que tout ce qui débute un jour se termine un autre. Frère, je t'écris de là-haut ou d'en dessous de l'arbre, c'est comme tu veux. Sache que je suis fier, c'est pas ta faute. Tu pleures des larmes, c'est comme tu veux. Je ressens tout, c'est pas facile de te voir éclater à 12h. Je te donne des signes, arrête de croire que t'es tout seul. Vois ça comme un voilier, c'est normal, j'ouvre la voile. On a tous une roue voilée, c'est pour ça que Norma t'ouvre la voie. Hier encore, je t'ai vu percher, t'as les boules. Le bateau n'est plus au port, je te vois me chercher, mais toi t'es où? Ici j'ai froid pour l'appétit, c'est pas la peine. N'oublie pas que t'es pas moi et que ma bêtise n'est pas la tienne. Samy vient de me rejoindre, il fait preuve d'entêtement. Il me dit qu'il est vivant, qu'il roule des joints à l'enterrement. Toi, fais preuve d'indulgence, je sais que maman n'est pas l'exemple. Petit frère, les sentiments n'épargnent pas les cendres. N'oublie pas ton essence, même si les caras sont étanches. Éblouis les deux sens, comme Clara sur les planches. Je vis de l'autre côté, c'est peut-être facile de dire tout ça. Mais je t'aime, t'es ma boussole, t'es seul qu'estime ma vie toute sale. Je voulais pas te faire souffrir, si j'avais su, j'aurais pas fait, si j'avais cru, si j'avais su, si j'avais dû, je me serais pas fait, ouais. Ouais, j'ai douté, mais toi ne le fais jamais de l'homme. Pour t'épauler, y'aura toujours jamais d'homme. J'ai fait du mal à ta vie, ne crois pas que le mal t'incite. Dans ta série, tu me fais vivre, dis-moi si ça, c'est pas un signe.